with me. Brise les lumières sur la face de la vie. S'il faut frapper plus fort que ce qui nous menace, je fracasserai la mort et les années qui passent. S'il faut être fou pour que tu m'aimes un peu, je boirai à genoux. De la vie, s'il faut frapper plus fort que ce qui nous menace, je fracasserai la main des années qui nous passent. S'il faut être fou pour que tu m'aimes un peu, je boirai à genoux dans l'église de tes yeux. Une larme à la main, je n'ai peur de rien, ni des anges, ni des hommes. Dieu me pardonne, la tienne après. Je sais que le vide est rempli de lumière. Si un jour tu te décides, attends-moi pour le faire. Ah, voilà, je n'ai peur de rien, ni des anges, ni des hommes. Je n'ai peur de rien. Si un jour tu te décides, dans moi pour le faire. L'arme à la main, je n'ai peur de rien, ni des anges, ni des hommes. Je n'ai peur de rien, ni du mal, ni du bien, que Dieu me pardonne. J'ai le cœur. Thank you. moi seul, seul dans les je t'aime. Laisse-moi seul, seul pour très longtemps. Au nom des vagues qu'on a vidées, laisse-moi seul, y'a rien à voir. Laisse-moi seul pour décider ce que faire de mon histoire. Je connais les continents, laisse-moi seul dans mes voyages. Fais comme l'amour vote, laisse-moi seul dans mes naufrages. Allez mon vieux, fais-moi plaisir, laisse-moi seul sur mon navire. Je sens la tempête qui vient. Je sens la tempête qui vient. Laisse-moi seul, seul sur ma galère. Tu sais très bien ce qui s'y passe. Fais pas semblant, semblant d'être mon frère. Rentre chez toi. Chacun sa place. Allez, j'ai payé, payé très cher la mienne. Laisse-moi seul en profiter, laisse-moi seul avec ma mère. Fais comme la mienne. Bon, pense à côté, pense à côté. Allez, vivant sans rien. Et l'hiver c'est encore pour moi. Bien sûr je bois, mais tout va bien. Je crois au grand jeu là. Alors tu veux, fais-moi plaisir. Laisse-moi seul sur mon navire. Laisse-moi seul, seul avec son rire. Et ses cheveux contre ma peau. Et seul pour la maudire. Et maintenant que d'autres la touchent, laisse-moi seul avec ceux-là qui peignent son cul mais pas son cœur. Quand elle dit oui parce qu'elle a froid. Allez, va-t'en. Va-t'en avant que je Thank you.

passage comme porte de l'enfer basé. Thank you.

Thank you. Thank you.